La crap sans foire. Mkana, dealer. Gang de Roubaix, ma gueule. Rafale en l'air, haut les mains, gang de Roubaix débarque. Du bon son pour mes gens du Nord, on vient retourner tes bacs. Quand on suffit d'un microphone pour clouer tes becs. Et si tu cries trop fort, on va trouer tes pecs. On va te montrer les favelas si tu joues les épecs. Il a volé, il a même plus de doigts pour rouler ses pets. Ce putain de monde est sournois, personne n'est surhumain. Ceux qui bougeraient pour moi, je les compte que sur une main. Devant le gun, les mecs jurent sur Dieu, même sur l'imam. La Zeb vient d'Espagne, là c'est du Suriname. Vous êtes bon qu'à juger pendant qu'on survit mal. Passé n'existe pas, pas d'arrêt sur image. La vie me sourit mal, jamais été chanceux. Ouais, on est dans la rue, t'inquiète, on connaît les enjeux. Je sais qu'à tout moment, je rejoins les anges. Et nique ce foutu rap, jamais été dangereux. Tu vois, sur la colonne, j'arrive tout en Kalenji. Sur les toits, je vole en solo, je fais classique comme RNG. On m'a dit, waouh, vas-y, mollo, faudrait mieux que tu ralentis. Saute dessus tes lois comme Manolo, poteau, y'a trop de talent, fils. Dans le ghetto, rien qui pleut tes bastos. Grandi dans le béton, on a perdu tes assos. Les keufs dans le rétro, je suis ganté dans le gamos. Agression dans le métro, capitale des cassos. Ça va viser la tête, direct que ça tire pas dans les jambes. Tu te fais juger à la barre, ressort comme Francis la légende. Le plus dur, c'est pas de monter, c'est de redescendre. À peine arrivé au sommet, mais la monnaie veut descendre. Cache monnaie, H, valet dans le sang. Les ZZX, c'est la taille, jusqu'au 34, tu le sens. Single noué de département, chaque pas vire, ça pue l'essence. Dans la rue, c'est n'importe comment, et ça braque dans tous les sens. Cache mon H, valet dans le sang. Les ZZF, c'est la cahier jusqu'au 34, tu le sens. Synchrono et département, chaque pas faire ça pue l'essence. Dans la rue, c'est n'importe comment et ça part dans tous les sens. Nous, on est plus pressés de faire de l'oseille à notre âge. On profite de la vie parce qu'on connaît ses avantages. Et si on a changé, qu'on a la gâchette moins sauvage. Sache qu'on n'a pas arraché, on a juste tourné la page. Bang, bang, bang, s'il faut, on ressort l'artillerie. Une taille de l'arcerie, après on se barre en Algérie. Essaye pas de nous gérer, on peut pas nous tenir en laisse. On a les poumes bien affûtées, si tu veux tester, tu en laisses. Fâcheuse pression, microphone, là on approche de la frontière. L'éclaireur sonne au bigophone, fout les calibres dans la portière. On a plus de marche arrière, au démarrage on l'a cassé. Le gang de Roubaix fait carrière, dans les braquages l'argent facile. 60 moins 1 degré de latitude, fais pas tourner ton joint, ro par habitude. On tire des latitudes, ma génération s'en moque. Alors on fuck, smoke, le hip hop ou c'est lui qui nous fume à la porte. Je suis pas long, grand nigger, je mets des grands middles. J'm'en sors des boîtes, j'm'en sors du grand big ball. Appelle le gros hitter, j'suis soutien qu'on souffre, c'est une frappidelle. Lui c'est du faux leader, j'ai 17 pièces, là j'suis un faux lycée. J'fais peur au fournisseur, y'a les postes, j'dépose dépose tout à sa sœur. Mais j'hab des attacheurs, tu dois tes sous, on dit juste à ta l'heure. J'parle pas aux avaleurs, sur le 17 à 220 à l'heure. L'été en pleine chaleur, j'suis sur la gauche, c'est très échoumareur. Vais gâcher sous dragueur, c'était Covid, le jeune prend ta valeur. La bête fait un malheur, j'fais 1000 euros maximum, un quart d'heure. Colis, j'ai ta facture, j'vendais du stup, j'étais pas à ta gueule. J'recherche le tactacteur sur les outils, c'est rap les terres ta gueule. J'fais plus qu'un macaleur, j'suis à ma street, j'suis au sein des dauphins avec les rabatteurs. J'suis au lepi, on dépouille un rappeur, on bannit les acteurs. En pièce de frappe dans un box tout cassé avec des kidnappeurs, des cailloux crack avec des armes salies. Y'a même des petits laveurs. Rafale en l'air, haut les mains, gang de Roubaix débarque. Ça va viser la tête, direct ça tire pas dans les jambes. Gang de Roubaix fait carrière dans les braquages, l'argent facile. Tu dois tes sous, on s'y tue à ta l'heure, j'pars pas aux avaleurs. Ouais, on est dans la rue, t'inquiète, on connaît les enjeux. Le plus dur, c'est pas de monter, c'est de redescendre. On peut pas nous tenir en laisse. J'ai 1000 euros maximum, un quart d'heure, j'fais peur aux fournisseurs.